Eh bien, bonjour à tous et bienvenue encore une fois dans l'étude de la parole de Dieu. Il y a quelques semaines, je vous parlais des raisons pour lesquelles j'aime l'Église. Et j'aimerais approfondir aujourd'hui certaines des raisons que je vous ai mentionnées les semaines précédentes pour lesquelles j'aime l'Église. Mon désir donc et ma prière aujourd'hui, c'est qu'on puisse comprendre quelle est la place de l'Église dans le plan d'ensemble de Dieu, dans le plan souverain de Dieu. En vérité, ce n'est pas difficile d'investir votre vie dans l'Église si vous l'aimez. Et ce n'est pas difficile d'aimer l'Église si vous la comprenez dans le plan de Dieu. J'aime l'Église et c'est une joie pour moi de servir, de vous servir avec les dons que Dieu m'a donnés. Bien entendu, il y a des raisons pour lesquelles j'aime l'Église et je vais vous les partager ce matin. Tout d'abord, j'aime l'Église parce que, on l'a vu la dernière fois, Christ, Jésus, bâtit son Église. Le Seigneur, le Tout-Puissant, l'Immuable, le Souverain du ciel et de la terre, celui dont la parole ne peut retourner vide, mais qui accomplit toujours ce qu'il dit, celui dont les buts sont toujours atteints, celui dont la volonté se réalise toujours, celui dont le plan est incontournable et inébranlable. Le Seigneur Jésus a déclaré avec des paroles tout aussi triomphantes dans Matthieu chapitre 16, verset 18, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Celui qui connaît ses brebis et dont les noms ont été écrits dans le livre de vie avant la fondation du monde, Jésus va bâtir son Église. Les portes du séjour des morts, telles que mentionnées, c'est tout simplement une expression juive de la mort. Si le séjour des morts, c'est l'endroit où est-ce qu'il y a la mort, alors la porte du séjour des morts, c'est l'endroit qui vous y invite à y entrer. Donc, c'est juste une image de la mort. Mais même le pouvoir de la mort ne peut empêcher le Seigneur de bâtir son Église. Amen. La mort est l'arme la plus puissante que Satan possède, que Satan exerce sous le contrôle de la souveraineté de Dieu, et il ne peut pas toucher l'Église. L'Église sera bâtie, elle est son Église. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Tournez avec moi maintenant dans Tite, chapitre 1, verset 1. Tite, chapitre 1, verset 1. Faire une petite introduction là-dessus. Paul commence cette merveilleuse épître comme ceci. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. On va placer des bases pour plus tard ici. Paul, doulos de Dieu. On a déjà vu ça dans d'autres messages. Serviteur de Dieu, esclave de Dieu. Et Paul, apôtre de Jésus-Christ, signifie messager. Le mot « apôtre », c'est un messager. Donc, on pourrait lire « Paul, esclave de Dieu et messager de Jésus-Christ ». Le texte continue « Pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquelles reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. » Et dans la langue originale, c'est écrit « Promise avant le début des temps ou avant les temps éternels ». Ces deux versets nous expliquent la nature du ministère de Paul. Paul est un serviteur de Dieu et un messager de Jésus-Christ qui a été mis à part pour accomplir trois choses. Tout d'abord, un ministère de salut ou un ministère d'évangélisation qu'il exprime en ces termes « pour la foi des élus ». Paul avait la tâche de prêcher l'Évangile afin que les élus, lorsqu'ils entendraient l'Évangile, puissent croire. Il prêchait l'Évangile de la foi pour ceux qui sont choisis par Dieu, pour les élus. Et donc, il y avait un aspect d'évangélisation à son ministère qui portait sur la compréhension de l'Évangile afin que lorsque le pécheur viendrait à la foi, qui est un don de Dieu, alors ce pécheur choisi par Dieu pourrait être justifié, rendu juste. En second lieu, ce n'est pas seulement un emphase sur le salut ou sur l'évangélisation, mais sur la sanctification et sur l'édification qu'il décrit en ces termes. la connaissance de la vérité qui est selon la piété. En plus d'annoncer l'Évangile aux élus afin qu'ils puissent croire, Paul voulait amener les croyants à une pleine connaissance de la vérité pour qu'ils puissent marcher fidèlement. Dans le français courant, Parole de vie, les mêmes versets 1 et 2 qu'on vient de lire, ça nous dit « Moi, Paul, je suis serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Dieu m'a chargé d'amener à la foi ceux qu'il a choisis. Il m'a chargé de leur faire connaître la vérité pour qu'ils puissent vivre en étant fidèles à Dieu. » Paul était donc engagé dans l'évangélisation et dans l'édification. Et le troisième aspect de son ministère était un ministère de consolation, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. Paul apportait aux gens l'espérance de la glorification, qui est pour tous les chrétiens à travers le monde une grande source de consolation. Glorification, un jour nous allons être avec lui, un jour nous allons être avec de nouveaux corps, plus de larmes qui vont être versées, plus de douleurs, mais avec lui pour l'éternité. Donc son ministère était axé sur la justification, la sanctification et la glorification. Il a prêché l'Évangile qui, lorsqu'elle est jointe à la foi, produit la justification. Il a prêché la vérité qui, lorsqu'elle est jointe à la sanctification, produit l'obéissance. Et il a également prêché l'espérance de la vie éternelle qui, lorsqu'elle est jointe à l'espérance de la gloire, produit la consolation. En d'autres termes, c'est vraiment le plan rédempteur de Dieu, le plan de salut de Dieu, de sauver, de sanctifier, d'être choisi par Dieu depuis les temps éternels pour être glorifié, depuis le début des temps pour être glorifié. Donc, ça, c'est la base que je vous amène ce matin et ça va nous suivre. Ceci étant dit, la principale chose que je veux que vous remarquiez dans ces versets-là se trouve à la fin du verset 2, titre chapitre 1, verset 2. Il dit « Ce plan d'ensemble de sauver, de sanctifier, de glorifier, ce merveilleux plan, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. » Maintenant, qu'est-ce que ça nous apprend, ce texte-là? C'est que dans l'éternité passée, avant que quoi que ce soit qui n'avait été créé n'ait été créé, avant que quoi que ce soit n'ait été créé, avant le début des temps, Dieu a décidé de commencer et de terminer son plan rédempteur, son plan de salut. À ce moment-là, des personnes ont été choisies. Leurs noms ont été écrits afin qu'ils puissent être amenés à la foi, à la piété et à la gloire. Dieu a décidé et a tout promis cela avant le début des temps, avant les temps éternels, dans les plus anciens temps. Maintenant, la question qui me chicote, que je me pose dans ce texte-là, quand je lis, c'est à qui est-ce que Dieu a fait la promesse? Promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. À qui Dieu est-ce qu'il a fait la promesse? Il n'y avait pas de gens autour là, pour recevoir cette promesse-là. Et la meilleure compréhension que nous avons de la création des anges, c'est qu'elle aurait eu lieu peu de temps avant la création du reste de l'univers ou près de la création du reste de l'univers. Mais si cette promesse a été faite avant la création, pré-création, donc à qui est-ce que Dieu a fait cette promesse? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Envers qui Dieu a-t-il pris cet engagement, cette alliance? Tournez avec moi dans 2 Timothée, chapitre 1. On y trouve un indice utile. 2 Timothée, chapitre 1, verset 8. Je devrais dire même verset 9. Tout dépendant des traductions, le verset 8 pourrait se terminer par Dieu ou dans le verset 9, il commence par Dieu. Dieu qui nous a sauvés, 2 Timothée 1, 9. Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Et voici la même phrase dans le grec. « Avant les temps éternels. » Ici, ce que je comprends, c'est que l'ensemble de cette promesse, cet engagement total, cette alliance, tout ce dessein de rédemption, le salut finalement, la sainte vocation, cette gracieuse entreprise de salut a été accordée par le Père pour le Fils, avant le début des temps. Ça nous dit « en Jésus-Christ », ça pourrait dire « par Jésus » ou « pour Jésus-Christ », à lui. La promesse que le Père a faite, la promesse que Dieu a faite, il l'a faite au Seigneur Jésus, au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une réalité renversante, vous allez voir. Dans la Trinité, dans le mystère de la Trinité, il y a un amour qui est inexprimable, un amour indescriptible, un amour inexprimable en mots humains. Que les membres de la Trinité, cet amour, ils le partagent depuis toujours. Jésus y fait allusion dans Jean chapitre 17, verset 11, lorsqu'il dit « Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. » Il demande qu'ils puissent partager aussi l'amour qu'il y a entre celle du Père et celle du Fils. Et cet amour doit absolument s'exprimer. Cet amour ne peut pas rester caché. Vous pouvez donner sans aimer, mais vous ne pouvez pas aimer sans donner. Et le Père, dans une démonstration de cet indescriptible, surnaturel et parfait amour, il exprime au Fils un désir de manifester cet amour de manière totalement unique. Le Père fait une promesse au Fils en raison de son amour pour lui. Et quelle est cette promesse? Il promet au Fils qu'il lui donnera une humanité rachetée, un peuple racheté, et un peuple justifié, sanctifié, glorifié. Il promet qu'il apportera un peuple racheté dans la gloire, pour qu'elle demeure dans le lieu même où le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent, depuis le début des temps, un lieu intemporel, un lieu incréé, le royaume de Dieu. Voilà la promesse. Et pourquoi cette promesse-là? Parce que le Père aime tellement le Fils qu'il veut lui accorder ce peuple racheté, cette humanité rachetée, comme expression de son amour. Gardez dans votre pensée maintenant cette idée-là. Dieu veut exprimer son amour pour le Fils et il veut lui donner une humanité rachetée. Tournez avec moi maintenant dans Jean chapitre 6, verset 37. Jean 6, verset 37. Jésus nous révèle l'essentiel de son ministère ici. Jésus dit, « Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. » Frères et sœurs, dans cette affirmation, nous pouvons voir l'invincibilité de l'Église. L'invincibilité de l'Église. Tous les croyants, tout ce que le Père me donne, hein, le Père donne l'Église à son Fils, viendra à moi. C'est-à-dire, chaque individu qui a été élu avant la fondation du monde, chaque individu qui a été racheté, chaque individu à qui il a été accordé le don de la foi, chaque individu qui a été pardonné et justifié devant Dieu par sa grâce est un don du Père au Fils. Tout ce monde-là, chaque individu qui vient à la foi est un don d'amour du Père pour le Fils. Une partie d'une humanité rachetée qui est donnée au Fils dans un but très précis. Et quel est ce but? Eh bien, c'est facile. Tout ce que vous avez à faire, c'est de tourner dans l'Apocalypse et de voir ce que les saints glorifiés font dans le ciel. Qu'est-ce que le peuple de Dieu fait dans le ciel? Eh bien, ils adorent l'agneau. Ils donnent gloire à l'agneau, ils louent l'agneau, ils servent l'agneau, ils chantent à l'agneau. Et c'est le but ultime du dessein de Dieu. Dieu, dans l'éternité passée, avant la création du monde, a déterminé qu'il donnerait à son Fils une humanité, un peuple racheté, qui finalement serait introduit dans la gloire, dans la présence de Dieu, lieu incréé où habite la Trinité. dans un but précis de glorifier, de louer, d'honorer et d'adorer le Fils, et ce pour l'éternité, pour toujours et à jamais. C'est de cette façon que le Père exprime son amour envers le Fils, de la manière la plus merveilleuse qu'il pouvait le faire. Or, dans cette alliance, le Fils avait un rôle à jouer également. Ce n'était pas seulement le Père. Le Père dit, « Je veux te donner une humanité rachetée comme expression de mon amour, et je vais les amener à la perfection, jusque dans la gloire. Ils vont passer l'éternité à louer, à glorifier et à honorer ton nom. Il y a juste une chose que j'ai besoin que tu fasses. C'est que tu ailles dans le monde, que tu deviennes l'un d'entre eux et que tu paies la pénalité de leurs péchés. » Et quand Jésus dit, dans Jean 6, 38, « Je suis descendu du ciel, non pour faire non ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. » Il ne veut pas dire qu'il est contre cette volonté-là. Il ne veut pas dire que ce n'est pas sa volonté, qu'il est forcé ou qu'il le fait à contre-cœur. Lorsque Jésus dit, « Je suis venu pour faire non ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. » Tout ce qu'il veut dire, c'est que je viens pour accomplir un plan que Dieu a prévu d'avance. Je suis descendu pour faire la seule chose nécessaire qui est de fournir le sacrifice expiatoire pour que cette humanité puisse être rachetée. Et vous savez aussi bien que moi que l'expiation de Jésus-Christ couvre tous les péchés de tous les croyants, de tous les élus qui ont cru avant la mort de Jésus et couvre jusqu'à tous ceux qui croient et qui ont cru après sa mort. Au verset 39 de Jean 6, « Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné. » Que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné. Encore là, le don. Que je ne perde quoi? Le Père dit, « Ne perds aucun d'entre eux. » Et Jésus dit, « Je n'en perdrai aucun. Et je le ressusciterai au dernier jour. » Car parce que c'est la volonté du Père que tout le monde qui voit le Fils et qui croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Descendez avec moi maintenant dans Jean 6, 44, au verset 44 finalement. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, il l'attire à moi. » Chaque individu qui a cru, vous et moi, si vous êtes un croyant, si vous êtes un chrétien, chaque individu qui a cru est un don du Père pour le Fils. Nous avons été attirés par le Père vers le Fils, pour le Fils. Frères et sœurs, nous faisons partie de quelque chose d'incroyable, de quelque chose de gigantesque, de quelque chose de tellement grand, de tellement élevé, que c'est presque si notre salut était comme accessoire. Que la véritable question, le but ultime ici, ce n'était pas de nous racheter, de nous amener au ciel, mais que le Père exprime son amour envers le Fils. Voyez-vous? Nous ne sommes que le cadeau. Nous sommes le cadeau du Père pour le Fils. Quand je veux démontrer mon amour pour quelqu'un, il se peut que je lui donne un cadeau. Je peux donner un cadeau à mon épouse, je peux donner un cadeau à mon enfant ou à mes amis pour leur exprimer mon amour. Mais en réalité, ils n'aiment pas le cadeau, dans ce sens que, oui, ils l'apprécient, il peut être utile, ils peuvent l'utiliser. Mais celui qu'ils aiment ou celle qu'ils aiment, c'est celui qui donne le cadeau, n'est-ce pas? C'est le donneur. C'est exactement ça. Nous sommes un peu, nous, comme le cadeau. Je veux dire que toute la question, ce n'est pas à propos de nous. Ce n'est pas nous le centre de l'univers. La question, c'est la relation d'amour qu'il y a dans la Trinité. La relation d'amour entre le Père et le Fils. Et nous, tout ce qu'on a, c'est le privilège de participer à cette relation-là, à cette histoire d'amour-là. Et il y a quelque chose de plus à dire là-dessus encore. Tournez avec moi maintenant dans Romains chapitre 8, versets 29 et 30. Romains chapitre 8, versets 29 et 30. On dit souvent que le compliment suprême, c'est lorsqu'on vous imite, n'est-ce pas? Rappelez-vous les jeunes garçons qui jouaient et qui jouent encore dans la rue souvent. Chacun veut être un joueur de hockey en particulier. Je me souviens que dans mon temps, et même plus vieux, les gens voulaient être Maurice Richard, les gens voulaient être Guy Lafleur. Si on était gardien de but, on voulait être Patrick Roy. Et maintenant, il y en a des nouveaux. Et dans Romains, chapitre 8, verset 29, remarquez, c'est écrit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. » Incroyable. Dieu a déterminé, avant le début des temps, dans sa préscience et dans sa prédestination, qu'il réunirait un peuple racheté, première des choses, qu'il les sauverait, qu'il les sanctifierait, qu'il les glorifierait et les amènerait au ciel pour toujours et à jamais, afin qu'ils puissent dire « Digne est l'agneau, gloire à l'agneau, digne est l'agneau », et qu'ils louent le Fils pour toujours et à jamais, et qu'ils servent le Fils pour toujours et à jamais. Et le texte nous dit, verset 29, « Il serait transformé à l'image de son Fils, en autant que c'est possible pour une humanité rachetée de ressembler à Jésus-Christ, nous serons semblables à Jésus-Christ, afin que, au verset 29, afin que son Fils fût le prototokos, le premier-né d'entre plusieurs frères. » Premier-né ici, le prototokos, ça ne veut pas dire le premier créé, faisons attention à ça. Ça veut simplement dire que le premier qui est au-dessus, qui est celui qui règne. Nous serons, 1 Jean chapitre 3, verset 2 nous dit, « Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » L'apôtre Paul nous dit, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, en Philippiens 3. Et quel est le prix de cette vocation céleste? Lorsque vous êtes appelé, quel est le prix? La ressemblance à Christ. C'est la ressemblance à Christ qui est le prix. Paul dit, je cours vers le but maintenant pour le prix plus tard. En d'autres termes, c'est le prix de ma vie. Lorsque je suis appelé, c'est d'être comme Christ, comme Jésus-Christ. Ça devient donc l'objectif dans ma vie maintenant, n'est-ce pas? Si la raison pour laquelle Dieu m'a racheté, c'est de me rendre à l'image de son Fils, alors ça doit devenir mon objectif aujourd'hui. Devenir comme Jésus, c'est l'objectif dans l'éternité, qui devient le but de ma vie aujourd'hui. Et on a vu que c'est Dieu qui va parvenir à cela. C'est Dieu qui va accomplir cela. C'est Dieu qui produit ça dans ma vie. C'est Dieu qui me rachète. C'est Dieu qui me sauve. C'est Dieu qui me glorifie. C'est Dieu qui me ressuscite. C'est Dieu qui me transforme à l'image de son Fils. Mais si je sais que c'est l'image, c'est l'objectif de Dieu dans ma vie, alors ça doit devenir mon objectif personnel aussi, n'est-ce pas? Et nous savons que Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il dit. Il a la puissance d'accomplir ses promesses. Les desseins de Dieu ne peuvent pas être contrecarrés. Tournez maintenant avec moi, juste conclusion à tout cela, pour condenser. Tournez dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24. C'est merveilleux. Quand le Fils a tout fait, verset 24, « Ensuite viendra la fin. » Quand Jésus livre le royaume à son Père, à la fin, le Seigneur va dire, « Je les ai tous ressuscités. J'ai pourvu à leur salut. J'ai pourvu à l'Esprit pour leur sanctification. Et j'ai ressuscité tout le monde. Et ils sont ici, Père, et je te les donne. » Il va tous les remettre au Père, première des choses. Et le Père, à ce moment-là, va les donner à son Fils comme un cadeau d'amour. Ils t'appartiennent et ils vont te louer éternellement, va dire le Père au Fils. Allez au verset 27 de 1 Corinthiens 15, verset 27. On arrive à vraiment la fin ici, ça dit « Dieu a tout mis sous ses pieds ». Lorsque toutes choses auront été soumises à Christ, donc Dieu soumet toutes choses à Christ, l'Église et tout, parce que la Bible nous dit quoi? Tout a été créé par lui et pour lui. Lorsque toutes choses ont été soumises à Christ, alors lui-même, le Fils, se soumettra à Dieu qui lui aura tout soumis. Ainsi, Dieu règnera parfaitement sur tout. Là, vous vous demandez, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, ceci. Lorsque le Fils apportera toute l'humanité rachetée à la gloire et que le Père la donnera au Fils comme cadeau d'amour pour exprimer son amour pour le Fils, alors le Fils se tournera et remettra le tout, y compris lui-même, à son Père. C'est vraiment renversant. Ce que je comprends, c'est qu'on fait partie d'une histoire d'amour entre le Père et le Fils, frères et sœurs. Un immense amour transcendant, incompréhensible au sein de la Trinité, dont nous sommes les cadeaux qui sommes échangés. J'aime l'Église parce que Jésus est le bâtisseur. Elle est son Église. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Deuxième raison pour laquelle j'aime l'Église, c'est parce que l'Église, c'est la réalité la plus précieuse que Dieu a sur la terre. L'Église est la réalité la plus précieuse que Dieu a sur la terre. Pourquoi je dis cela? Parce qu'elle a exigé un grand prix, n'est-ce pas? L'Église a exigé un grand prix. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 nous dit « Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » L'Église est précieuse. Acte 20, 28 nous dit qu'il a acquise l'Église par son propre sang. 1 Corinthiens 6, 19 et 20 nous dit que l'Église a été rachetée à un grand prix. Comment précieuse est l'Église? Eh bien, précieuse, si précieuse que le Fils était prêt à venir pour mourir en obéissance à son Père, pour que le cadeau d'amour que le Père voulait lui donner puisse devenir une réalité. Le Fils était prêt à venir mourir sur la croix pour que le cadeau d'amour puisse devenir une réalité. C'est spécial, n'est-ce pas? Et deux versets nous expriment un peu cette réalité de qu'est-ce que Jésus a payé. Dans 2 Corinthiens 8, 9, 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, je vais commenter rapidement sur ce premier verset. Ça nous dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était. » De quoi? Ça veut dire quoi, ça? De riche qu'il était. Ça signifie qu'il était riche comme Dieu était riche. Ça ne parle pas de richesse matérielle, ça ne parle pas de richesse terrestre ici. Jésus était riche comme Dieu est riche. Et ça dit, il s'est fait pauvre. Comment pauvre? Il est passé de divinité, de Dieu, souverain, avec toute la richesse, et il s'est humilié pour devenir un homme. C'est la pauvreté de l'être humain, lorsque ça dit, il s'est fait pauvre de riche qu'il était. C'est la misère qu'il a connue dans un sens, où il a été dépouillé de tous les avantages de la Trinité qui ont été mis de côté dans son incarnation et il est allé jusqu'à l'agonie de la croix pour dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Voilà la pauvreté, le genre de pauvreté dont on parle ici. Lorsque nous parlons du fait que l'Église est précieuse, la valeur de l'Église est vue ici dans le prix que Jésus a payé. Le prix de sa vie, alors qu'il était aussi riche que Dieu, il est devenu pauvre. Il est devenu aussi pauvre que lorsqu'on est éloigné de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il le fait, le texte nous dit que par sa pauvreté, vous puissiez être enrichi, afin que vous puissiez être enrichi. Comment riche? Comment riches nous avons été enrichis à cause de la mort de Jésus-Christ? Eh bien, la Bible nous dit que nous sommes devenus quoi? Co-héritiers avec Christ. Co-héritiers avec Christ. L'Évangile, l'incarnation, le sacrifice de Christ avait un but, de racheter les élus du Père comme cadeau d'amour pour lui, pour Jésus. Donc, sa pauvreté n'avait rien à voir avec sa situation économique, vous savez, mais tout à voir avec le fait qu'il a quitté la gloire qu'il avait auprès du Père et qu'il est venu parmi nous. Et est devenu l'un d'entre nous pour être éloigné de celui qu'il aimait, de son Père. Il est devenu pauvre, non en abandonnant des richesses humaines, des richesses matérielles, mais en abandonnant le ciel, afin que vous puissiez être riches. Tournez avec moi maintenant dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. On parle de la pauvreté de Christ ici. Quelle est cette pauvreté qu'il a endurée? Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dieu, pour exécuter son plan, a pris celui qui ne connaissait pas le péché, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, et l'a fait péché. Il ne l'a pas fait péché dans le sens qu'il a péché, mais il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justes aux yeux de Dieu. C'est ce qu'on appelle la doctrine de l'imputation. Et permettez-moi de vous expliquer ça un petit peu plus en profondeur. Qu'est-ce que la doctrine de l'imputation? Première des choses, Jésus n'était pas coupable d'aucun péché. Jésus n'a jamais péché. Même lorsqu'il était mourant sur la croix, il n'était pas un pécheur. Il n'a jamais commis de péché. Lorsqu'il était sur la croix, il était absolument innocent. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Très simplement, Dieu a traité Jésus comme s'il avait commis personnellement tous les péchés commis par les élus, par les personnes qui ont cru. Comprenez-vous? Dieu a traité Jésus-Christ sur la croix comme s'il avait commis tous les péchés déjà commis par toutes les personnes qui ont cru. Et Dieu a rassemblé toute la fureur de sa juste colère sur lui, comme s'il était coupable de tous ses péchés, alors qu'il n'était coupable d'aucun. Et Dieu a déversé sa fureur de telle sorte que tout ce péché soit totalement, suffisamment expié, payé, et qu'il ne puisse jamais être retenu contre aucun des élus. Je répète, Dieu a déversé sa fureur de telle sorte que tout ce péché soit suffisamment payé, expié, et qu'il ne puisse jamais être retenu contre aucun des élus. Voilà la première partie de l'imputation. Il y a une deuxième partie, bien sûr. Dieu a traité Jésus comme s'il avait commis tous les péchés déjà commis par toutes les personnes qui vont croire. Il le fait pour nous, afin que nous puissions devenir quoi? Justice de Dieu, juste aux yeux de Dieu. Dieu a traité Jésus comme s'il était un pécheur, et il vous traite comme si vous étiez juste. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché. Alors maintenant, par Christ, nous sommes rendus justes. Dieu me traite comme si je possédais la parfaite justice de Jésus-Christ. Voilà la doctrine de l'imputation. Dieu traite Jésus comme s'il avait commis seulement nos péchés. Il nous traite comme si nous avions seulement fait toute sa justice. Autrement dit, Dieu a traité Jésus comme s'il avait vécu votre vie. Et Dieu nous traite comme si nous n'avions vécu que sa vie à lui. C'est ça la doctrine de l'imputation. Peut-être que vous dites, mais c'est pas juste. Vous avez parfaitement raison. Lorsqu'on parle du pardon, lorsqu'on parle de Dieu qui fait grâce, c'est la grâce de Dieu. Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons. Parce que c'est nous qui aurait dû être sur la croix. Mais c'est Jésus qui a pris notre place. C'est le prix pour accomplir le plan du Père. Il devait en être ainsi. Le péché devait être payé pour que la justice puisse être donnée. Celui qui n'était pas un pécheur devait être traité comme s'il l'était, afin que ceux qui étaient pécheurs puissent être traités comme justes. Pourquoi Jésus est-il descendu et pour supporter cette horrible humiliation, cette séparation avec son Père? Pourquoi? Eh bien, il devait en être ainsi pour que le Père puisse accomplir son plan. Je sais qu'on pense que c'est juste pour nous. Hein? La Bible nous dit que Jésus est mort pour nos péchés. Et on s'arrête là, on dit, c'est juste pour nous. Ah non, frères et sœurs, c'est pas juste pour nous. C'est beaucoup plus grand que ça, on l'a vu, n'est-ce pas? Dans un sens, Christ est mort pour Dieu, pour son plan, pour accomplir son plan. Nous ne sommes que le cadeau qui passe d'une main à l'autre. Voyez? Dieu voulait exprimer son amour et il était nécessaire que le Fils puisse racheter cette humanité afin qu'il puisse lui être donné comme cadeau d'amour, pour que le Père exprime d'une façon incroyable son amour envers le Fils. Est-ce que l'Église est précieuse? Bien sûr, parce qu'elle porte la justice même de Jésus-Christ qui lui est imputée, qui est mise à son compte, depuis que ses péchés lui ont été imputés à lui. Voyez, la justice de Christ a été mise sur notre compte à nous, parce que notre péché a été mis sur le sien et qu'il a payé pour. Nous ne sommes que le cadeau, pas n'importe quel cadeau, là. On n'est pas un bibelot. On n'est pas mis sur une tablette. Nous avons une valeur incroyable, rachetée au prix du sang de l'agneau. Le sang de Christ a une valeur infinie aux yeux de Dieu. Donc oui, l'Église est précieuse, mais nous ne sommes pas le but. Le but, c'est que le Père exprime son amour envers le Fils. Troisièmement, j'aime l'Église parce qu'elle est la source de la vérité. J'aime l'Église parce que le Seigneur l'a bâtie. J'aime l'Église parce que c'est la chose la plus précieuse que Dieu a sur la terre. Jésus a payé le prix. Et troisièmement, j'aime l'Église parce que c'est la source de la vérité. Je m'explique. Nous sommes la voix de Dieu dans ce monde ici. J'aime ce que Paul dit à Timothée. 1 Timothée 3,15. L'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. S'il y a une chose que nous faisons, nous soutenons la vérité. Une des 7 merveilles du monde se trouvait à Éphèse, et c'était le temple de la déesse Diane. Ce temple avait 127 colonnes, 127 piliers, 127 colonnes qui avaient été données par un roi différent. Chacune de ces colonnes était recouverte d'émeraudes et d'or et de bijoux. Et chaque pilier, chaque colonne était un hommage pour le roi qui avait donné la colonne pour soutenir un immense toit. De même que ces colonnes, ces piliers sont un hommage à la fausse religion, au faux Dieu, de même l'Église est et doit être la colonne qui soutient la vérité. Et c'est de la responsabilité solennelle de toutes les églises chrétiennes de garder, la conserver, pas dans le sens de ne pas en parler, mais de garder le bon dépôt, de garder la vérité intacte et de la proclamer au monde. Nous sommes serviteurs de la vérité, frères et sœurs. Elle ne doit pas être altérée. Elle ne doit pas être diminuée. Elle ne doit pas être mal représentée, elle ne doit pas être abandonnée ou modifiée. Elle est le trésor sacré du salut qui nous est donné pour que le plan rédempteur de Dieu puisse s'accomplir. Jésus a demandé à son Père dans Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta vérité. » Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Nous sommes gardiens de la vérité. psaume 119. Psaume 119, j'ai sorti ici quelques versets, il y en a plusieurs, il y en a une vingtaine, pas loin de 20. J'en ai retenu quelques-uns qui nous parlent de la parole de Dieu, qui nous parlent de la vérité. Psaume 119, verset 9 nous dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? » Verset 11 « Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Verset 101 « Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. » Verset 105 « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Verset 133 « Affermis mes pas dans ta parole. » Verset 148 « Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Verset 160 « Le fondement de ta parole est la vérité. » La base, ta parole est bâtie sur la vérité. Le fondement de ta parole, c'est la vérité. 162. Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin, un grand trésor. Je me réjouis de ta parole. Et le verset 172 nous dit que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Donc, j'aime l'Église parce qu'elle est construite par le Seigneur lui-même. C'est son Église, c'est lui qui l'a bâtie. Il a dit « Je construirai mon Église ». J'aime l'Église parce que c'est la réalité la plus précieuse sur la terre. Christ est mort pour son Église. Il a versé son sang pour elle. Et j'aime l'Église parce que c'est la source de la vérité. Alors, frères et sœurs, avant de penser quitter l'Église, avant de renier l'Église, avant de vous éloigner de l'Église, pensez à ça. L'Église est un cadeau du Père pour le Fils. L'Église est extrêmement précieuse aux yeux de Dieu. Chaque pierre, chaque personne, chaque individu racheté est extrêmement précieux aux yeux de Dieu, parce qu'il fallait un cadeau extrêmement précieux pour le Fils, pour quelqu'un qui est extrêmement, immensément précieux pour le Père, au Père, pour le Père. Nous sommes le moyen par lequel Dieu exprime son amour envers le Fils. Nous ne sommes pas le but. Nous ne sommes pas la fin de toute chose. Dieu n'est pas là pour nous, nous sommes là pour lui, pour sa gloire, pour le glorifier, pour le Fils, pour le louer, pour l'éternité. Nous sommes le cadeau. Nous ne sommes pas le but, mais le moyen. Alors, donnons gloire à Dieu qui nous a rachetés à un grand prix. Louons le Seigneur pour cette vérité. Réjouissons-nous que Jésus a dit « Tout ce que le Père me donne viendra à lui. » Absolument tout. On a l'invincibilité de l'Église dans ce verset-là. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Nous sommes le cadeau, nous sommes attirés. Vous avez été attirés par le Père vers le Fils. C'est vraiment une grâce, c'est vraiment un privilège que nous avons de connaître Dieu, de connaître son Fils. Gloire à Dieu. Terminons en priant. Notre bon Père du ciel, quelle vérité tu nous rappelles ou tu nous apprends ce matin? Nous sommes, jusqu'à un certain point, abasourdis. Nous sommes sans mots, Seigneur, devant un tel amour qui est exprimé de ta part envers ton Fils. Nous réalisons, Seigneur, à quel point nous sommes précieux en tant que ton Église, en tant que cadeau de Dieu. Et nous réalisons en même temps que l'histoire du monde ne fait que faire partie d'un plan qui est beaucoup plus grand dans l'ensemble. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons pour ce Dieu merveilleux que tu es, qui nous a révélé cette vérité, qui nous fait participer à ce plan qui est tellement grand, qui transcende toutes les générations. Sois béni, Seigneur. Sois loué. Que ton nom soit glorifié dans ton Église, Seigneur. Que ton règne vienne, Seigneur. Amen. Alors, je vous souhaite encore une fois bonne semaine et à la prochaine.